franceinter.fr. Aujourd'hui, pour son 300e numéro inédit, Affaires Sensibles vous emmène pour un voyage au cœur de la mafia napolitaine, derrière les mots et entre les lignes de Gomorra. Sans doute avez-vous déjà entendu ce nom souvent prononcé à la radio ou à la télé, vous l'avez lu dans la presse ou vu au cinéma, car depuis une décennie, Gomorra s'invite régulièrement à la une de l'actualité. Si pour certains, ce mot renvoie d'abord à une œuvre littéraire, un best-seller signé de la main du journaliste Roberto Saviano, pour d'autres, c'est le nom d'un film réalisé par Matteo Garrone et primé à Cannes. Et c'est enfin une série télé violente, puissante et pour tout dire remarquable. En tout cas, tout le monde semble être d'accord sur un point, il y a un avant et un après Gomorra dans la façon d'aborder la mafia et d'enquêter sur elle. Le récit que propose Gomorra est un témoignage à vie fait à la première personne d'un univers souterrain jusqu'ici méconnu, celui de la mafia et en particulier de celle qu'on surnomme à Naples la Camorra. Au fil de 357 pages ou de 2h17 de film et 8 heures de série, le lecteur ou le spectateur plonge en immersion dans une fresque de l'Italie, loin des clichés touristiques et culturels, pour se retrouver dans l'ombre des cités de pierre blanche napolitaines. Un endroit où les meurtres, la prostitution et les trafics en tout genre constituent le quotidien d'une population abandonnée à elle-même. Un monde sans code ni loi, où la ligne blanche entre le bien et le mal n'existe plus. En écrivant les premières lignes de Gomorra en 2004, Roberto Saviano savait à qui il s'attaquait. Mais avait-il imaginé que cette histoire régionale allait s'exporter dans le monde entier avec le succès qu'on lui connaît aujourd'hui? Et avait-il imaginé qu'en brisant ainsi la chaîne du silence qui entoure les pratiques de la pieuvre, il écoperait en retour d'une condamnation à mort ou à vivre traqué, comme un nouveau Salman Rushdie? Après le récit, nous recevons l'ancien correspondant de Radio France en Italie, Eric Valmire, aujourd'hui chef du service société et reportage de France Inter. Il s'est rendu à plusieurs reprises à Naples, dans les quartiers difficiles, ceux où prolifère la Camorra, et il a rencontré ses habitants. Vous entendrez également un reportage, un témoignage exceptionnel recueilli par notre journaliste Anaëlle Verzo. Elle s'est entretenue avec un témoin rare dans ce genre d'affaires, un repenti de la mafia. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France. Attaché de production, Emmanuel Fournier, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, lecture Philippe Pirard, programmation musicale Muriel Pérez, la technique aujourd'hui Romain Maher. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Octobre 2010, nous sommes à Rome. Depuis plusieurs semaines, la capitale italienne vit au rythme d'une actualité politique intense. Au Palais Chigi, siège de la présidence du Conseil des ministres italien, le chef du gouvernement, Silvio Berlusconi, navigue à vue et en pleine tempête. Sur son flanc bâbord, une vague haute de plusieurs mètres, celle de la Commission européenne, qui menace de s'abattre sur lui si son pays continue de creuser ses déficits budgétaires. Sur tribord, la houle des associations humanitaires et des ONG internationales qui frappent sa politique migratoire et ses récentes déclarations. Enfin, en face, un immense iceberg, un mouvement de contestation sociale qui tente de lui barrer la route. Pendant que ce capitaine de pédalo navigue sur une mer déchaînée, au même moment, il y a un homme dans la ville, un homme dont la tête est mise à prix. Au deuxième étage d'un immeuble ancien dont l'adresse est tenue secrète, là, dans une salle de réunion, aux rideaux tirés, aux volets fermés, autour d'une grande table, les journalistes de France 3, Frédéric Maillard et Salah Agrabi, ont rendez-vous avec cet homme au CV bien singulier. À l'image de cette rencontre, dont il y a quelques heures encore, ils ne connaissaient ni le lieu, ni l'horaire exact. Toutes les précautions semblent avoir été prises pour que personne, non absolument personne, ne vienne troubler leur rendez-vous avec celui qui, en Italie, est considéré comme un condamné à mort. Quelques minutes plus tard, deux voitures aux vitres fumées arrivent au ralenti et se garent devant l'entrée du bâtiment. Une dizaine d'hommes en descendent. Certains se postent de part et d'autre de la rue, d'autres derrière le second véhicule. Ils scrutent la chaussée, le trottoir et les fenêtres des immeubles voisins. Tout semble calme, mais chacun d'entre eux garde la main sur le pistolet attaché à la ceinture. Puis, celui qui semble être leur chef ouvre la porte arrière du second véhicule. Un homme d'une trentaine d'années aux lunettes noires et au crâne rasé en descend. Il s'engouffre immédiatement avec son escorte dans le hall de l'immeuble. Habillé d'un pantalon gris et d'une chemise blanche, il grimpe les marches des grands escaliers et se présente dans la salle de réunion, là où l'attendent les deux journalistes. Il retire ses lunettes. Frédéric Maillard et Salah Agrabi découvrent alors le visage marqué, fatigué de l'écrivain Roberto Saviano, genre gravure de mode, tourmenté. Les journalistes mettent leur caméra en marche. L'interview commence. Souriant, Roberto Saviano répond sans détour aux questions qu'on lui pose. Il raconte, comme il le fait depuis de nombreuses années, la chronique de sa vie, celle d'un écrivain en exil qui ne dort jamais deux soirs de suite au même endroit, un homme qui vit 24 heures sur 24 sous la protection d'une équipe de garde-corps qui ne peut pas mettre un pied dehors et qui ne se déplace qu'en voiture blindée. Il explique cette vie sans liberté, cette vie à laquelle il avoue ne s'être jamais habitué, comme on comprend. Une vie qui, malgré tout, ne l'empêche pas de continuer son combat contre ceux qui l'ont condamné à mort. Les parrains de la Camorra, l'organisation mafieuse napolitaine, l'une des trois grandes pieuvres du pays. Lorsqu'on évoque les menaces qui pèsent sur lui, le visage de Roberto Saviano se crispe, le ton se fait plus grave. Ainsi, il explique qu'un juge d'instruction lui a fermement déconseillé de se montrer en public. Par téléphone, ce dernier l'aurait mis en garde contre des rumeurs d'attentats à la Falcone, comprenait à grand renfort de dynamite, mode opératoire qu'avait choisi la mafia sicilienne pour assassiner les deux juges héroïques Falcone et Borsellino. Dans un tout autre registre, certains de ses amis lui ont raconté qu'à Naples, on peut voir sa photo placardée sur de grandes affiches et qu'on peut lire, en dessous de son nom, une promesse meurtrière. Autrement dit, beaucoup d'argent à celui ou celle qui le réduirait au silence. Une situation qui amène Roberto Saviano à établir ce constat amer. Je réécrirai tout ce que j'ai écrit. Je ne renie rien et je le revendiquerai jusqu'à la fin. Mais je ne prétends pas être un héros. Je serais un faux héros si je disais que je n'aimerais pas parfois revenir en arrière. Franchement, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Dans la presse internationale, on compare souvent Roberto Saviano à Salman Rushdie, cet écrivain anglais d'origine indienne, condamné à mort par le régime des ayatollahs en Iran à la fin des années 80 pour son livre « Les versets sataniques ». Malgré lui, le journaliste et écrivain italien devient la tête d'affiche de colloques universitaires, vedette de conférences ou d'émissions de télé. Dans les magazines, on le présente comme un symbole de la liberté d'expression, l'homme qui s'est dressé contre la mafia en osant dire tout haut tout ce que tout le monde savait tout bas. A contrario, on dit aussi de lui qu'il pourrait avoir plagié d'autres journalistes, qu'il a choisi un style d'écriture ambigu qui ne permet pas de distinguer et de décoder ce qui est réel dans son texte de ce qui ne l'est pas. De tout cela ressort deux questions. Pourquoi Roberto Saviano vit-il avec cette menace de mort au-dessus de la tête? La réponse est à peu près évidente, certes, mais pourquoi est-il aussi critiqué? En toile de fond de toute cette affaire, il y a ce nom qui tient en sept lettres, Gomorra. Le porc. Il n'existe nul produit manufacturé, tissu, morceaux de plastique, jouets, marteaux, chaussures, tournevis, boulons, jeux vidéo, vestes, pantalons, perceuses ou montres qui ne transite pas par le porc. Le porc de Naples, c'est une blessure grande ouverte. Le point final des interminables trajets que parcourent les marchandises depuis l'Extrême-Orient. Ici, tous les jours, les bateaux arrivent, s'engagent dans le golfe et s'approchent de la rade comme des petits attirés par les mamelles de leur mère. À ceci près qu'ils ne viennent pas ici pour téter, mais se faire traire. Pour eux, c'est ici que tout se termine. Pour nous, c'est ici que tout commence. C'est avec cette scène dans le port de Naples que s'ouvre le premier chapitre de Gomorra, le roman de Roberto Saviano. Dès les premières pages, le lecteur plonge dans une sorte de voyage initiatique, en immersion dans un monde qu'il ne connaît pas, qu'il n'imagine pas. Là, dans ce Naples des caves, des arrière-cours et des souterrains, baignant dans l'illégalité de tous les trafics, la mort surgit souvent au détour d'une ligne ou parfois au début d'un paragraphe sans prévenir. Preuve que dans ce milieu sombre, on ne vit pas, on survit. « Mais ni dans le livre, ni dans le film, vous ne découvrirez à quel point cette ville de Naples est saisissante, pour des raisons qui ne font pas partie du propos de Saviano, mais qui doivent être soulignées. Naples, Napoli pour les Italiens, c'est une ville à l'ambiance sans pareil, où dans les vieux quartiers du centre, les immeubles sont si proches que leurs habitants pourraient serrer la main d'une fenêtre à l'autre. Cité blottie au pied du Vésuve, donnant sur l'une des plus belles baies du monde, où trône sereine, voire sérénissime, les trois îles, Schia, Procidia et Capri, celle qui fait de l'œil à cette autre merveille qu'est la côte amalfitaine. C'est aussi cela, Naples, une beauté pure qui cohabite avec le sordide, celui que dénonce Saviano. Publié en 2006 chez l'un des plus grands éditeurs italiens, Gomorra fait rapidement figure d'œuvre à part dans le paysage littéraire. Car il s'agit bien d'un roman dans la forme, avec des scènes et des personnages fictifs. L'ouvrage possède tout de même une particularité de taille sur le fond. Il est en effet une retranscription d'un travail d'enquête que l'auteur dit avoir mené depuis une dizaine d'années sur la mafia napolitaine, celle qu'on appelle ici la Camorra. D'ailleurs, pour l'anecdote, le titre du roman ne doit rien au hasard, puisque Gomorra est le résultat de la contraction de Gomorre, qui signifie la cité des mauvaises mœurs, auquel l'auteur a ajouté le suffixe « a » de Camorra. Une organisation mafieuse qui, comme toutes les autres, est fille du capitalisme ultra-libéral, pour qui le marché a toujours raison et pour qui l'État est l'obstacle, comme semble nous dire cet extrait du livre de Saviano. La Camorra. Ce ne sont pas les camorristes qui choisissent les affaires, mais les affaires qui choisissent les camorristes. L'ultralibéralisme radical est la seule logique de cet entrepreneuriat criminel. Et autant le dire tout de suite, il est aussi la seule logique dans l'esprit des parrains. Les règles, elles, sont dictées et imposées par les affaires, par l'obligation de faire du profit et de vaincre la concurrence, quelle qu'elle soit. Dans cet univers, il n'y a pas de bons ou de mauvais moyens pour faire les choses. Ce qui compte, c'est qu'elle soit faite, un point c'est tout. Le reste ne compte pas. Le reste n'existe pas. Détenir le pouvoir, 10 ans, 1 an, 1 heure, peu importe la durée. Pour vivre, il faut commander. Page après page, chapitre après chapitre, c'est avec un réalisme troublant que Roberto Saviano s'intéresse au fil qui sépare la vie de la mort dans la région de Naples. Pour réussir un tel pari, l'auteur affirme puiser dans sa propre histoire. Dès son adolescence, en effet, ce fils de médecin et d'institutrice explique qu'il est fasciné par le fait divers sanglant les règlements de compte qui défraient l'actualité napolitaine. À 15 ans, Saviano affirme qu'il sillonnait les rues de Naples sur sa mobylette pour arriver sur les lieux des crimes avant la police. Ce qu'il a vu, il l'aurait imprimé dans sa mémoire pour le retranscrire un jour sur le papier. Témoin muet, observateur neutre, simple gamin des rues, Saviano n'a pas éveillé les soupçons des mafieux et des parrains camorristes qu'il a croisés. Ils étaient sans doute trop occupés à leur basse besogne pour faire attention à lui. Devenu étudiant, il s'engage en sciences politiques et en philosophie. Il devient ensuite journaliste et écrit plusieurs articles sur le milieu du crime organisé, sur ses méthodes de fonctionnement. Passionné par l'écriture, le critique italien Goffredo Foffi lui aurait conseillé un jour de raconter la réalité plutôt que de s'acharner à inventer des histoires. Prenant modèle sur l'écrivain américain Truman Capote et son courant de la non-fiction nouvelle, Roberto Saviano se serait donc lancé au milieu des années 2000 dans un long travail d'enquête sur les milieux mafieux qui gangrènent Naples et sa région. Un travail qui deviendra bientôt un roman et qui portera le titre de Gomorra. À l'époque, une série de meurtres secoue la Campanie, la région napolitaine. Dans toute la presse, on ne parle que des règlements de compte et de la folie sanglante des hommes de la Camorra. Les chiffres sont vertigineux. 100 de morts en 6 mois. Pour rétablir le calme, la municipalité demande qu'on déploie l'armée sur place. La situation est si critique qu'elle fera dire plus tard au ministre de l'Intérieur italien Roberto Maroni qu'ici même, dans cette ville, le pays est en guerre. Nous sommes en présence d'une véritable guerre civile que la Camorra a déclarée à l'État. J'entends ici confirmer et confirmer encore aux carabiniers, aux policiers, aux forces de l'ordre qui travaillent sur ces territoires le soutien total et appuyé de tout le gouvernement. Pendant pendant plusieurs semaines, alors que la tension sur place est vive, Roberto Saviano affirme être retourné avoir enquêté dans les quartiers nord, à Pescinola, au Secondigliano et bien sûr à Scampia, là où les grands immeubles délabrés, qu'on surnomme les velles, les voiles, abritent dans leur labyrinthe de couloirs un véritable supermarché des trafiquants tout genre. Un endroit où la drogue est omniprésente, générant un chiffre d'affaires qu'on estime à plus de 500 000 euros par jour. Là, dans ces zones de non-droit où la Camorra règne en maître, Roberto Saviano explique qu'il a rencontré et recueilli les témoignages des habitants qui vivent en marge de cette société. Des personnes qui, pour la plupart, habitent à moins de 2 km de la mer, mais qui n'y mettent jamais le pied. Et c'est sur ce portrait de Naples qu'il s'appuie pour dénoncer le système. Le système. Le système. Un mot qu'ici tout le monde connaît, mais qui, pour les autres, reste encore à déchiffrer. Le système. Une référence inaccessible à ceux qui ignorent quelles sont les dynamiques du pouvoir de l'économie criminelle. Le mot « camorra », lui, n'existe pas. C'est un mot de flic utilisé par les magistrats, les journalistes et les scénaristes. Un mot qui fait sourire les affiliés, une indication vague, un terme bon pour les universitaires, une définition appartenant à l'histoire. Le vrai mot que les membres d'un clan utilisent pour se désigner est « système ». Système, le terme interpelle car il évoque avant tout un mécanisme plutôt qu'une structure. Or, c'est bien de cela dont il est question lorsqu'on s'intéresse au rouage de la Camorra, une pègre qui gangrène la société napolitaine depuis le milieu du 19e siècle et qui prospère sur fond de chômage et de misère. Avec Gomorra, Roberto Saviano vient briser certaines idées reçues. Au fil des pages, il démontre en effet un point fondamental et pourtant méconnu sur cette organisation. Ici, en effet, à la différence d'autres grandes mafias comme celle de Cosa Nostra en Sicile, il n'y a pas un chef qui émerge au sommet de la pyramide. Il n'existe donc pas de tête qu'on puisse couper pour éradiquer le fléau, non. Non, le système de la Camorra est beaucoup plus subtil. Il se compose d'une dizaine de clans et de familles. Chacun gère son propre territoire, son quartier, une sorte de contrat de franchise du crime et du trafic, à la manière d'une grande rue commerçante où chacun a sa spécialité. Prostitution, racket, importation illégale, logistique des déchets, travaux publics, trafic d'armes, jeux d'argent et, bien sûr, la drogue. Dans cette structure sans chef suprême ni juge de paix, les affaires se règlent bien souvent à coup de vendetta. Des assassinats qui se déroulent parfois en pleine rue et dont Roberto Saviano illustre la violence en citant les noms des familles, des clans camorristes, les Misso, les Di Lauro, les Casalesi, que l'on considère officieusement comme les responsables. L'autre aspect sur lequel insiste l'auteur porte sur les profits gigantesques que réalise le dit système. On parle ici de chiffres et de sommes qui dépassent de loin les estimations des magazines. Lors des interviews qu'il accordera plus tard, il dénoncera sans relâche l'ampleur et l'emprise de cette économie parallèle. Les trois mafias italiennes, la 'Ndrangheta, la Camorra et Cosa Nostra, réalisent chaque année un chiffre d'affaires de 100 milliards d'euros. Nous sommes en train de parler de profits qui dépassent n'importe quelle entreprise italienne. Ces chiffres énormes sont à la hauteur du sang versé. Il faut savoir que sur la terre qui m'a vu naître, autour de Naples, 4000 personnes ont été assassinées. Ces 30 dernières années, il y a eu plus de morts dans le sud de l'Italie que dans la bande de Gaza. Au début de l'été 2006, après 3 ans de travail, Gomorra, le livre de Roberto Saviano, est disponible à la vente. L'auteur sacrifie au rituel des dédicaces, la presse relaie la sortie de l'ouvrage, les ventes sont correctes, son éditeur espère même atteindre l'objectif des 5000 exemplaires qu'il s'était fixé. Les premières critiques sont bonnes, on parle alors d'un livre très précis, très fouillé, et personne ne critique le style original de l'auteur mi-fiction, mi-réel. Paradoxe toutefois, les parrains des clans napolitains réagissent plutôt bien à la sortie de l'ouvrage. Oui, certains sont même flattés qu'on les cite et qu'on parle de leurs résultats financiers ou qu'on mette en avant certains de leurs faits d'armes. Un moyen pour eux, sans doute, d'affirmer leur force. Puis après tout, Roberto Saviano ne fait que reprendre ce que les journalistes, la police et les juges savent déjà sur eux. Alors, à quoi bon s'inquiéter ? Certes, on envoie tout de même à l'auteur et à son éditeur quelques menaces de mort par courrier pour bien montrer qu'on suit ce dossier avec attention. Au début du mois de septembre 2006, l'histoire de Gomorra et de Roberto Saviano aurait donc pu s'arrêter là. Le journaliste serait retourné travailler sur d'autres sujets de reportage et d'écriture. Le livre aurait continué sa vie sur les rayons des librairies. Quant à la Camorra, elle serait repartie vaquer à ses occupations juteuses et sanglantes. Mais un concours de circonstances va bientôt faire basculer toute cette affaire et signer l'arrêt de mort de l'auteur de Gomorra. Senza distanze, quando tornano alla scuola, quando stanno a basso bar e mettono le mani in pistola, droga e tutta la distoria. A terra nei cami di scoria ci portammo pure i giuro. O pensammo tutto quanto, ma non dice mai nessuno. Noi teniamo una domanda, ma chi giudica, chi giudica? E oggi casa può rimane, è logica che si rimane in erba, non cagna niente. Tiene piera fritta a verna, noi guardammo in doppio binocolo, sti bastardi con mi ogna, senza rischio carcerata, proprio come in doma novola. Ma una speranza, la gamba rimana, ne vorremmo una speranza, la gamba rimana, ne vorremmo una speranza, la gamba rimana, ma non è stata che staccava sulla bocchi rimana, ne vorremmo una speranza, la gamba rimana, ne vorremmo una speranza, la gamba rimana, ne vorremmo una speranza, la gamba rimana, ma non è stata che staccava sulla bocchi rimana. Saccio manca che sono gassà, straccio l'anno ma torna a casa, straccio per tutti i giorni a casa, faccio quando non dorma, guarda un faccio quando ti sfunga pa, raggio ma buffet. Bomba che plancia e se ne suona a me, nasce che ti fanno una vita facile, andam in frasce, tutti squadrini dall'asci, di bodo non mi capace, di bodo non trova pace, voglio una prospettiva, prosperità attiva, guarda figlio mamatino, pronto per una tutta stile, mastino, mastiva stiva, e castiga stirpa, no vindo festina, te stile, istiga rivoluzione, ogni persona, voglio benessere in da successo, non voglio comprensione, molto te fottuto buono, ho brutto fa tutto rumore, ho lutto da tutto amore. Ma sfrutta non muore. Faccia dura la speranza che creatura rinda panza. Posso solo guarda annanza, rete carindo vacanza. Ne vorremmo una speranza, la gamba rimana. Ne vorremmo una speranza, la gamba rimana. Ne vorremmo una speranza, la gamba rimana. Ma non è stata che staccava sulla bocchi rimana. Ne vorremmo una speranza, la gamba rimana. Ne vorremmo una speranza, la gamba rimana. Ne vorremmo una speranza, la gamba rimana. Ma non è stata che staccava sulla bocchi rimana. Tre O imperativi, business, business, business. J'ai trois impératifs, business, business, business. Cela nous fait penser que la bataille de la Camorra n'est pas seulement une guerre de bandes, de gangs, de familles. Non, ça doit être dans l'absolu un regard neuf sur les mécanismes économiques, sur la dynamique des entreprises. Comment on peut encore le faire dans ce pays? Parlons-en, oui, parlons-en dans les médias, à la télé, dans les livres. Ricordo sempre, no, le parole di Borsellino, parlatene nelle radio, parlatene sui libri, nei libri, parlatene in televisione, ma parlatene. Il silenzio che è caduto per troppo tempo. Le silence che nous avons connu pendant trop de temps à propos de la Camorra e de cette terre est un silence coupable qui a laissé trop de monde sur le carreau. Nous sommes à la fin du mois de septembre 2006. Roberto Saviano s'exprime à Casal di Principe lors d'un meeting de mobilisation contre le crime organisé. Au micro, à la tribune, il parle de son livre « Gomorra » paru quelques mois plus tôt. Casal di Principe, petite ville de la région de Campanie, située à 30 minutes du centre-ville de Naples, tient une place de choix dans son récit, car elle est le théâtre de plusieurs scènes de règlement de comptes macabres. Casal, la mal-aimée, Casal, la suspecte, comme on la surnomme, est un véritable supermarché où les camorristes font leurs petites et grandes affaires, en toute tranquillité, à la vue de tous. Le rassemblement d'aujourd'hui, encadré par un très faible dispositif de sécurité, se veut avant tout symbolique. Il veut dénoncer les dérives de la mafia sur ces terres. Dans son discours, Roberto Saviano revient sur cette anecdote qu'il considère déterminante pour comprendre le rôle de Casal di Principe dans tous les trafics. Il dit « Cette ville est celle où l'on trouve la plus forte concentration de Mercedes au monde, mais c'est aussi celle où il y a le plus grand nombre d'homicides en Europe. Enfin, c'est une localité où l'on compte plus d'entreprises du bâtiment que d'habitants. Cherchez l'erreur. » Puis l'auteur de Gomorra cite en public le nom de certains responsables mafieux appartenant au clan de la Camorra, parmi ceux qu'on peut retrouver dans son livre. Il donne ainsi le nom des boss locaux du clan des Casalesi, les Schianov et les Lovine et les Agaria. Mais à ce moment précis, l'auteur de Gomorra ne sait pas que dans la salle, assis au fond, un membre de la Camorra est là et il prend note. Tout comme il relève le nom de ceux qui applaudissent trop fort à son discours. Il faut dire que dans les librairies, le roman de Roberto Saviano se vend bien, trop bien même. On atteint déjà les 20 000 exemplaires et cela inquiète la Camorra. Quelques jours plus tard, un article du journal Il Corriere di Caserta, du nom d'une ville à une cinquantaine de kilomètres de Naples, reprend les propos de l'écrivain et cite également les noms des parrains camorristes. Pour la mafia et le clan des Casalesi, c'en est trop. Il faut faire taire, définitivement, Saviano. Kalachnikov. Les trous que font la Kalachnikov sont parfaits. Les balles pénètrent violemment dans les vitres blindées, les creusent, les entament comme des vers affamés qui y feraient des galeries. Vu de loin, les impacts produisent une impression étrange, comme des dizaines de petites bulles qui se seraient formées au cœur du verre parmi les diverses couches de blindage. Après une rafale de Kalachnikov, aucun commerçant, ou presque, ne change sa vitrine. Certains remplissent les trous avec de la pâte en silicone, d'autres avec du ruban adhésif noir, mais pour la plupart, ils ne font rien. Au lieu de les remplacer, on attend qu'une prochaine rafale la brise définitivement. À ce moment-là, et à ce moment-là seulement, les assurances paieront. Comme l'écrit et le décrit Saviano dans Gomorra, la Kalachnikov est l'arme préférée des mafieux de la Campanie. Deux raisons à cela. Elle ne s'enraye jamais, son prix en provenance des pays des Balkans est négligeable. C'est cette arme à la puissance de feu sans équivalent qu'on utilise bien souvent lors des vendettas ou des assassinats de personnes que l'on souhaite réduire au silence. Au début du mois d'octobre 2006, quelques semaines après la réunion de Casa di Principe, la police découvre, grâce aux témoignages de plusieurs repentis de la Camorra, qu'un contrat a été placé sur la tête de l'auteur de Gomorra. Une importante somme d'argent est promise à celui qui le fera taire. Roberto Saviano, déjà harcelé par téléphone et victime de menaces, est donc placé sous protection et il disparaît. Dans les médias, cette affaire, celle d'un écrivain condamné à mort, fait grand bruit. On consacre des reportages à la télé, on cherche à obtenir des interviews avec celui qui est alors en fuite. Au début de l'année 2007, le sort de Roberto Saviano dépasse les frontières de l'Italie. En France, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, on parle de lui. Et avec lui, on parle vite de Gomorra, ce livre, son livre, qui est à la base de toute cette histoire. Jusqu'alors publié seulement en Italie, il s'exporte rapidement. C'est là sans doute l'un des plus grands paradoxes de toute cette affaire. En voulant faire taire, donc tuer, Roberto Saviano, la Camorra met le pied dans un engrenage qui la dépasse. Si elle condamne le journaliste à une vie en exil, elle lui offre aussi de formidables publicités et le crédit d'un statut et d'une image de dimension internationale, celle d'un chantre de la liberté, celle d'un défenseur de cette même liberté. De fait, en l'espace d'une année, Gomorra sort dans près de 43 pays et devient un best-seller, se vendant à plusieurs millions d'unités. Le phénomène est tel qu'en Italie, le livre de Saviano dépasse même l'un des plus grands livres de la littérature transalpine, Le Guépard de Lampedusa, de Giuseppe Tomasi. De leur côté, un grand nombre d'Italiens se regroupent en association pour soutenir l'auteur. On organise des rassemblements, mais aussi des lectures de son livre en pleine rue et en public. Présent sur place, le correspondant de Radio France à l'époque, Eric Valmire, recueille les témoignages. Par exemple là, on vient, on lit un paragraphe, on le signe. Et on passe le livre au suivant, qu'on va écouter alors dans la salle. L'ex-lecteur s'assoit pour écouter le nouveau. Et la lecture du livre ne doit jamais s'interrompre. C'est un très grand succès que ces manifestations. Ilaria est venue très naturellement. Je ne sais pas, sincèrement, à quoi ça peut servir. C'est mieux de le faire que de ne pas le faire, voilà. À coup sûr, c'est une question de solidarité, mais surtout de conscience. Moi, je prends toujours le bus pour aller bosser et je tombe toujours sur des gens en train de lire et ça me fait plaisir. Même si je ne sais pas si chacun des lecteurs prend pleinement conscience de ce qu'il lit, parce que peut-être qu'il faut être méridional pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. Donc, les méridionaux sont peut-être plus réceptifs. Mais c'est vrai aussi que tout le monde le lit et que tout le monde comprend que c'est un problème qui nous concerne tous. À la fin de l'année 2008, Roberto Saviano vit toujours sous protection, dans un endroit tenu secret, connaissant ainsi le sort de certains repentis de la mafia. Étrange parallèle. Il donne de temps à autre des interviews aux plus grands médias européens, américains, asiatiques. Pourtant, cette image d'homme courageux, si précieux pour l'Italie, ce chevalier blanc, est écornée par plusieurs polémiques. En effet, au même moment, apparaissent dans la presse italienne de premières rumeurs, selon lesquelles, pour écrire et décrire certaines scènes de Gomorra, l'écrivain aurait plagié les articles de journaux napolitains, comme le Cronache di Napoli. À cela s'ajoutent les témoignages parfois flottants de l'auteur lui-même sur ses pérégrinations en Campanie et ses rencontres avec des mafieux dans les quartiers nord de Naples. Pour sa défense, Saviano publie un long article dans la Repubblica, dans lequel il explique « Je n'ai rien écrit de nouveau ». Tout était déjà connu. J'ai seulement assemblé des données et des histoires dans un cadre où les épisodes criminels acquièrent une toute autre dimension. Autrement dit, s'il s'est bien inspiré de Ferré, elle est donc décrite par la presse, oui, mais son œuvre reste une fiction avec des personnages et des scènes qu'il a lui-même inventées. L'invention, justement, c'est ce que lui reproche au fil du temps un grand nombre de critiques et d'historiens italiens. L'auteur n'a-t-il pas commis une erreur dans le style à donner à son récit ? Comment peut-il accuser aujourd'hui la mafia de certains crimes en se basant sur l'écriture d'un livre dont les faits, le confessent, n'existent pas pour certains ? Une démarche qui aurait nécessité tout simplement pour le lecteur ce qu'on appelle un avertissement. Or ici, dans le cas de l'édition française du livre, il n'existe ni préface ni postface pour expliquer cette démarche entre journalisme et littérature. Au lecteur de faire son choix. Alors, que pensait tout cela ? S'agit-il de réactions de journalistes et de personnes préoccupées par une concurrence qu'ils considèrent déloyale ? S'agit-il d'une certaine forme de jalousie à l'encontre de Saviano, aujourd'hui écrivain de dimension planétaire ? Y aurait-il aussi une manipulation de la Camorra elle-même pour discréditer le livre et redorer son blason ? Quoi qu'on en dise, Gomorra reste aujourd'hui encore un monument unique de notre littérature contemporaine. Un livre à la fois objet littéraire et outil de compréhension sociale. Un livre pour décrypter la réalité qui frappe Naples et sa région. Un livre qui mérite d'être lu pour comprendre l'incompréhensible. Pour toutes les mafias, le silence est d'or. Et d'argent, forcément. Pour toutes les mafias, les contestataires sont réduits au silence par deux ou trois balles dans le corps. Mais pour la Camorra, l'adversaire, le vrai, celui qui propage la vérité dans toutes les couches de la société, c'est ce livre, Gomorra. D'où la fureur assassine des mafieux qui la dirigent ou qui la servent. Dans la tour, je me rappelle. Les cafards, les bacs, les anglais, à l'appel. Aujourd'hui, Hamdoulé, plus besoin de le faire. Le monde, chico. Y'a le peste, tant qu'il est chaud, on va le faire. Amiga, amigo. Pas de dis, au bon char, on y va, on fait pas de caprice, non. Love and peace, sur le terrain, y'a tes yeux, et bellec au glissement. On te rentre dedans, bum, pas ton temps, bref. Allez, file, qu'est-ce que t'as fait le foot tester? La haine sur le maillot, le zay, la maille, j'vois maille, la maille. Le M en saillant, t'as du fly, wallah. J'pense moi ça m'arrange, t'as fait ci, t'as fait ça à l'échange. ADT ou loin des anges. J'vois ma haine sur la balance, j'dois rentrer dans la légende. J'vois bien, j'fume, j'revis. Leur fait un charbon et je m'enfuis. Toute l'année je m'en pète. J'en ai la savane, la jeune, faut du soleil. Voilà, voilà. détente. Nous on reste les mêmes et on bande. Je refais mon corps à son en pépite. Chez nous les chromes c'est comme les fuites. Le putain de cas je veux. Le sourire d'un ange me réveille. Pâle perdu vers corbeille. Charbonneur dans la ville. Des billets je fais des kills. Garde le double des clés. Salut je quitte la terre. Et gonfle la ville. Par le sang du maire. J'emmène la misère. Putain de balade. Je vis la vie que j'aurai pas. Le temps d'une barre. Je quitte Paname. Personne, personne manque. La mif. L'argent. Le sang. Dans la légende. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Gomorra avec notre invité Éric Valmire. Bonjour. Éric. Bonjour Fabrice. Vous êtes l'ancien correspondant de Radio France en Italie, chef du service des sociétés et reportages. Reportages d'ailleurs. À France Inter, voilà. Vous êtes l'auteur de nombreux reportages pour le coup et d'enquêtes sur le terrain. Vous vous êtes rendu à plusieurs reprises à Naples, là où vit et sévit la Camorra. Vous êtes un peu comme un personnage qu'on voit dans un film à l'écran qu'on invite à s'asseoir à côté de nous puisqu'on vous a cité pendant ce récit, lors de ce rassemblement. Je suppose que vous avez, comme beaucoup de journalistes évidemment, et vu votre position, vous avez lu Gomorra. Déjà votre ressenti sur ce livre par rapport à ce que vous avez pu voir, vous, quand vous êtes allé à Naples. Mais déjà, si je reprends à rebours tout ce que vous venez de dire, il n'y a rien d'étonnant dans tout ce qui est fait. Déjà, Roberto Saviano ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Il ne comprend pas pour la simple et bonne raison que ce n'est pas le premier à avoir fait ça. Je dirais même que c'est le 30e. Ça fait 30 ans que des gens écrivent sur la Camorra et écrivent dans des collections. C'est sur la place publique, mais c'est toujours des petites maisons d'édition. Il y a des précédents. Giancarlo Siani était un très grand journaliste du Matino, le quotidien napolitain. Il avait sorti un livre, Fatti di Camorra, qui était à peu près la même chose, fait de la Camorra, où il nommait précisément ce que faisait la Camorra. Lui, il n'a pas eu de protection policière. Il s'est fait abattre en bas de chez lui. Il avait 26 ans. C'était un jeune journaliste prometteur. Et il s'est fait tuer. Il y a plein de journalistes napolitains qui écrivent sur la Camorra. Et Roberto Saviano a simplement voulu faire la même chose que le petit copain d'à côté. Et oui, bien sûr qu'il a repris des enquêtes que faisaient les uns les autres. Tout le monde se copie là-bas. Les jeunes journalistes, on traîne dans les rédactions, on est pigiste ou on l'est pas, on s'improvise parce que le statut de journaliste en Italie n'est pas le même qu'en France. On peut vraiment s'improviser journaliste sans passer forcément par des écoles. En France, c'est beaucoup plus encadré, conventionné. Là-bas, bon, on est là, on traîne dans les rédactions, on traîne dans les rues de Naples, on traîne sur un meurtre. En 10 ans, il a effectivement compilé enquête des autres, ressenti personnel, pour faire une narrative non-fiction. Et je crois que c'est là la différence, en fait. C'est que tous les essais sur la Camorra sont des essais. Saviano est le premier à faire un livre de la sorte sous forme de roman. Et deuxième question à laquelle lui n'a jamais répondu, pourquoi Mondadori, grand éditeur italien, publie Gomorra? Pourquoi c'est Mondadori? Lui-même est tombé des nues, parce que tous les autres auteurs sur la Camorra étaient publiés, on va dire, par des petits éditeurs napolitains ou romains, mais n'avaient pas une grande diffusion. Pourquoi d'un seul coup Gomorra et ce style-là a connu une telle diffusion? Roberto Saviano ne se l'explique pas. Deuxième point, et je m'arrête là sur cette question-là, pourquoi Roberto Saviano est encore menacé de mort? Ceux qu'il menaçait, tous ceux qui sont cités dans ce livre sont aujourd'hui en prison, sont aujourd'hui disqualifiés. Un exemple, Rosaria Capacchione, autre grande dame anti-Camorra de Naples, vivait sous protection policière parce qu'elle avait appuyé là où ça fait mal, comme le faisait Saviano, sur l'économie de la drogue, sur l'économie de la Camorra, sur les Casalesi. Quand les Casalesi ont été arrêtés, Rosaria Capacchione a vu sa protection policière enlevée. Et elle a pu retourner chez elle. Il ne lui est rien arrivé. D'autant plus qu'aujourd'hui, elle est sénatrice du Parti démocrate. Elle siège au Sénat et elle est devenue femme politique. Donc il y a toujours ce mystère. Il y a toujours ce mystère de pourquoi Roberto Saviano, alors, La chose qu'il change d'endroit tous les deux jours, c'est faux maintenant. Il se positionne, il a vécu là 7 mois à Brooklyn, il fait des longues périodes. On ne sait jamais véritablement où il est, mais il fait quand même des longues périodes. Moi, pour l'avoir rencontré sur plusieurs salons du livre, je sais qu'on peut organiser les choses. Il est en mouvement, c'est un homme qui est évidemment reclus à la solitude jusqu'à la fin de ses jours. Vous avez rencontré des personnes qui vivent dans les quartiers difficiles de Naples lors de vos reportages. Alors c'est vrai que quand on va à Naples, comme un touriste, on voit rien évidemment. C'est une ville tout à fait agréable, on peut la traverser la nuit, peut-être pas dans les quartiers. Mais au centre-ville, ça ne pose aucun problème, tout est plutôt caché. Qu'est-ce que vous racontez ces personnes de leur quotidien par rapport à la mafia? Est-ce que c'est une peur qui existe, qui est intégrée, ça fait partie de leur vie? Ou est-ce qu'au contraire, il y a un traumatisme? Tout dépend où vous vivez, hein, c'est toujours pareil. D'un quartier à un autre, la situation change radicalement. Aujourd'hui, Scampia essaye de sortir de cette torpeur. C'est vrai qu'il y a eu des années noires que vous avez décrites en 2005, où il y avait eu 80 morts, où il y avait une guerre des gangs terrible. Mais aujourd'hui, Scampia, c'est les associations, c'est aussi les magistrats, les policiers, un tissu social, même des jésuites qui essayent de réhabiliter ce quartier pour que ce ne soit plus cette zone de non-droit absolu. Mais qu'il l'est quand même encore un peu. J'imagine. Mais depuis toujours, rien n'a été fait pour réparer. Imaginez que quand cette structure a été bâtie, on a volé les ascenseurs et les éviers avant même que les premiers habitants y arrivent. Donc si vous voulez, elle a été tout de suite condamnée à devenir ce qu'elle est devenue et plus personne ne l'a entretenu. Ce que vous voyez effectivement dans la série Gomorrah ou même un peu dans le film Gomorrah, c'est la réalité, j'allais dire la réalité urbanistique. Elle est celle-là. Elle est aussi celle de familles défavorisées. Il y a quelque chose, le lien avec la Camorra dans ces quartiers-là, c'est un lien de confiance. Les gens sont au chômage, n'ont rien à faire et donc fatalement on tombe là-dedans parce que on va vous donner un petit boulot à faire, un petit truc, on va vous donner de l'argent, on va vous donner des faveurs. Oui. Et donc il y a pratiquement un lien social. Ce que faisaient toutes les mafias d'ailleurs à leur début. Hein. À leur début, c'était la défense des opprimés et du petit pour devenir ensuite une machine de guerre. Et Escobar a fait la même chose en Colombie. Hein, exactement. Juste, Eric, avant qu'on écoute un témoignage exceptionnel d'un repenti, une autre question. Il y a un an à Naples, sur l'une des grandes places du centre-ville, il y avait une exposition de photos des victimes de la Camorra et sur les murs à Naples, ici et là, on peut voir, je ne sais pas si on peut le voir encore aujourd'hui, mais il y a un an c'était le cas, Camorra Merda. Donc il y a quand même la population se braque, il y a une vraie prise de conscience. C'est fort quand même cette exposition de photos de victimes. Oui. On peut pas dire la population se braque. Et ce qui est terrible avec ces tissus là, c'est que vous pouvez très bien avoir Camorra Merda fait par la Camorra. Vous comprenez, la Camorra aujourd'hui elle n'existe plus. Il faut arrêter de penser qu'il y a comme avant Cosa Nostra, Camorra, Ndrangheta avec un tissu pyramidal, un parrain à la tête de tout ça. Ce sont des petits clans organisés qui essayent de s'organiser. Exactement. Oui. Et il y a une dimension qu'on oublie et qui n'est pas citée dans Gomorrah que Roberto Saviano voulait faire dans un Gomorrah 2 qu'il n'a jamais pu faire, c'est les liens avec la politique. Et ça, c'est quand même un élément extrêmement déterminant que ni la série ni le film n'abordent, c'est que sans la politique, ces petits réseaux n'existent pas. Donc vous avez aujourd'hui à la tête d'associations anti-mafia qui disent Camorra Merda, des camoristes. Tout comme vous avez aussi des gens qui sont de réels anti-mafieux, mais qu'on va faire passer pour camoristes pour discréditer leur travail. Tout est fait pour semer la confusion. Manipulation. Bien, nous allons donc, chose promise, chose due, merci Eric, mais à tout à l'heure, chose promise, chose due, entendre le témoignage de ce repenti d'une mafia italienne, en l'occurrence, c'est une autre. Et c'est vous, Annel Verzo, bonjour. Qui avait recueilli ce témoignage. Alors cet homme s'appelle Gaspare Mutolo, il est né à Palerme, sicilien, en 1940, il était membre de Cosa Nostra, le nom de la mafia sicilienne, pendant 20 ans, de 1971 à 1991, c'est bien ça? C'est ça, et il a aujourd'hui définitivement tourné la page, alors il vit toujours en Italie mais sous protection de l'État, il fait donc partie des 5000 anciens mafieux, qui collaborent avec l'État et qui sont protégés par un service particulier, le service de protection, qui les protège donc et qui coûte cher. Au total, on l'estime entre 50 et 60 millions d'euros par an, le coût de ce service de protection. Bien, on écoute Gaspare Mutolo. Gaspare Mutolo, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner à notre micro. Bonjour. Alors, vous avez été par le passé un membre actif de la mafia Cosa Nostra. Oui. Et un jour, précisément, je crois, le 15 décembre 1991, vous avez choisi d'en sortir définitivement. Et vous vous êtes passionné pour la peinture. Alors, on va revenir, on va parler de ce que vous faites aujourd'hui. Mais auparavant, j'aimerais, si vous le voulez bien, que vous nous racontiez comment vous avez rejoint la mafia Cosa Nostra. Io negli anni 64-65. Alors vers 1964-1965. Dentro il carcere di Palermo Uccardone, perché avevo fatto alcuni furti e altre cose, insomma, da giovane. J'étais en prison à ce moment-là parce que j'avais commis quelques délits de jeune voyou à Palerme. E ho conosciuto Salvatore Vina. J'ai connu un certain Salvatore Vina. Siamo stati dentro la cella assieme. Qui a partagé ma cellule pendant un an et demi. Allora, Rina mi il m'a ainsi conseillé de devenir ami avec le chef de gang Rico Bono lui-même. Infatti nel 1971-72, vers 1971-1972, je suis devenu un de ses bras droits préférés, je vivais près de lui, j'étais tout proche de lui. Vous étiez en quelque sorte un sous-chef. Non, era un capo, uno dei capi, perché c'erano tanti capi. Non, j'étais un des chefs, je n'étais pas un sous-chef, puisque nous étions plusieurs chefs. La commissione mafiosa, la commissione era quella che comandava tutta la mafia. Je faisais partie de la commission de tous ces chefs qui commandaient la mafia. Allora, io piano piano sono... Moi, petit à petit, je suis devenu, disons, un membre de la mafia moderata. Un membre de la mafia modérée. Vous avez reconnu avoir commis 15 homicides. Qui étaient les personnes que vous-même avez tuées? Erano tutti, diciamo, o mafiosi o guardiani. C'était des mafieux, des gardiens, avec qui il y avait de la compétition. Venivano uccise anche persone, diciamo, che non erano mafiosi. Nous avons aussi tué des personnes qui n'étaient pas mafieuses. Però che avevano un comportamento mal envers les personnes. Per esempio, uno che violentava un bambino. Si quelqu'un avait commis un viol envers un enfant. Il mafioso le mafieux le tuait par fierté. Io rispettavo le donne, rispettavo moi, je respectais les femmes, je respectais les enfants. Rispettavo anche a chi uccidevo. Je respectais même les personnes que je tuais avant de les tuer. Quando io dovevo uccidere a una persona. Moi, j'étais Però vraiment dépité à l'idée de devoir tuer cette personne, mais je la tuais parce que c'était une nécessité. L'origine della mafia, quando l'origine mafia, de la mafia, quand on regarde, la mafia, nasce per aiutare la mafia est née pour aider celui qui avait besoin. Quindi, nella mia mentalità, donc, quando io dans ero ma mentalité, mafioso, quand j'étais mafieux, io non ero un prepotente. Aiutavo il je debole. N'étais pas un voyou, j'aidais le plus faible. Invece io mi sono trovato, diciamo, en revanche, je me suis retrouvé en 1991 face à des dommages qui avaient été effectués à l'encontre de femmes. C'est à ce moment-là que vous avez décidé de partir. E a quel momento che lei ha deciso di andare? De quitter la mafia. Di lasciare la mafia. Sì, appunto perché. Et oui, justement parce que. Donne tutte assieme e io mi sono ribellato. Parce que à ce moment-là, vu les dommages qui avaient été causés à ces femmes, je me suis rebellée. Perché io avevo tre bambine, avevo parce que tre j'avais mafie, trois enfants. E pensavo questi una volta che crescono verranno uccisi. Et je pensais, une fois qu'ils vont grandir, ils vont être tués. Vous êtes un repenti de la mafia, mais pour les mafieux, vous n'êtes pas un repenti. Vous êtes un traître, un collabo. Quand vous avez quitté la mafia, est-ce que vous avez eu des menaces de mort? Oui, bien sûr, j'ai eu beaucoup de menaces de mort. Ho avuto, diciamo, come si dice, hanno cercato di farmi convincere a ritrattare. On a cherché à me faire changer d'avis. Quel genre de menaces avez-vous eu? Mi hanno minacciato che se io non la smettevo, on m'a dit, si tu n'arrêtes pas, avrebbero distrutto tutta on la va mia détruire famiglia, toute ta famille, comme on l'a fait avec les autres. Gaspare Mutolo, vous avez quitté Cosa Nostra et maintenant vous êtes peintre. Si. Qu'est-ce que vous peignez Però comme type de peinture? Toutes les choses qui me ricordano Palermo, insomma. Toutes les choses qui me font penser à Palerme. Certo, io non partecipo perché lo Stato non vuole, perché ha paura sempre che la. Mais je ne fais pas des grandes expos parce que l'État n'est pas pour et l'État a peur qu'il m'arrive quelque chose. Merci beaucoup, Gaspare Mutolo. La ringraziamo, Gaspare Mutolo. Et on vous souhaite beaucoup de courage et une bonne continuation. Grazie, grazie, sempre à disposition, va bene? Arrivederla. Si, je suis toujours à votre disposition. Merci beaucoup, au revoir. Arrivederci. Merci, au revoir. Eh bien voilà, il a l'air gentil ce monsieur. À part qu'il dit, quand je tue les gens, bah oui, je tue les gens, mais je les respecte, vous savez. Parce qu'il les tue quand même. Eric Valmire, qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Simplement la défense de l'opprimé, la défense du plus faible est vraiment, véritablement une vitrine, quelque chose qui me... Une hypocrisie absolue. Ah, qui me débecte, pardon du mot. Aujourd'hui, il s'agit d'assujettir les plus faibles, de les rendre esclaves. Merci en tout cas à vous, Anaël Verzo. La traduction de ce témoignage était assurée par Sonia Mella. Merci aussi à Marcel Padovani, journaliste au Nouvel Observateur, pour son aide précieuse. Éric Valmire, on arrive bientôt à la fin de cet entretien. Quel statut a Roberto Saviano aujourd'hui aux yeux des Italiens? Est-ce que c'est un héros national? C'est très vous savez, on peut jamais répondre par oui ou par non. On est toujours dans la zone grise. C'est très partagé. D'abord, Roberto, de par son caractère, est quelqu'un de très solitaire. Il a toujours été, même à la fac, il était très solitaire. Ses meilleurs amis vous en parleront en disant que c'était quelqu'un qui était concentré sur ce qu'il devait faire, sur son travail. La perception par les Italiens, elle est nuancée. Il y a ceux qui reconnaissent son travail, il y a ceux qui reconnaissent son courage, il y a ceux aussi qui cèdent à la tentation de dire que finalement il en fait que pour, il ne pense qu'à lui, que c'est un égoïste, que c'est un escroc, que finalement il a gagné du fric. Et toute cette entreprise de récupération pour salir sa figure, pour fatiguer son image, vise aussi à le discréditer. Et si vous le discréditez, vous l'affaiblissez. Et si vous l'affaiblissez, vous le rendez évidemment vulnérable. Donc, tout ça est très confus, encore une fois. Et vous avez tous ces sentiments-là qui se mélangent en Italie. Est-ce qu'on peut penser, juste 30 secondes, que parmi les tentatives pour discréditer, avec les polémiques, le plagiat et autres, Saviano, il y aurait pu y avoir une manœuvre de la mafia elle-même? Ouais, la question va se poser. Vous savez que Gomorra, le film, Roberto le dénigre, le film de Matteo Garrone, en disant que justement il est fait par les camorristes. La rumeur court que la femme de Garrone est la belle-fille d'un parrain, ou la fille même d'un parrain. Et donc il le dénigre totalement. Et c'est vrai que les camorristes ont fait de l'argent avec Gomorra, le film. Merci beaucoup, Éric Valmire, pour ce témoignage et votre connaissance si profonde de l'Italie. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Gomorra, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, ce sera la fiction Pompidou 68. Ou comment le Premier ministre de l'époque gère la situation quand le général de Gaulle disparaît dans la nature et qu'on ne sait pas encore qu'il est à Baden-Baden. Pour Pompidou, c'est ce qu'on appelle un grand moment de solitude. Bonjour Vincent Josse. Bonjour Fabrice Drouel. Alors cette fois vous mettez le feu, non? Oui, on va allumer le feu. Allumer le feu, c'est quoi exactement? Moi juste eh bien, en amont. Ça c'est un élément qui a beaucoup inspiré les compositeurs. Alors oui, on va vous faire entendre ça. Très bien, merci Vincent. À tout à l'heure.